Bonjour messieurs, dames. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce soir. Figurez-vous qu'après 24 ans de thérapie psychanalytique assidue, je suis enfin guéri. Merci. Guéri de mon psychanalyste. Faut que je vous conte quand même comment ça a commencé, parce que ça fait longtemps que je vous promène dans mon aventure, là, depuis des années. Je vous ai raconté les principales étapes, je vais les résumer un peu ce soir. Tout a commencé exactement il y a 24 ans. À ce moment-là, je cherchais Dieu dans mon prochain, partout. Et comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai fait, à la suite de cette recherche mystique, j'ai fait une dépression profonde. Heureusement, j'ai rencontré mon psychanalyste, et qui m'a fait réaliser que, d'abord, Dieu n'existait pas, et que mon idéal était inaccessible. Dieu, c'était l'opium du peuple, c'était une chimère, et tout ça. Alors, je suis devenu athée comme mon psychanalyste. Il était assez fier de moi. Malheureusement, quelque temps après, j'ai fait une rechute, quand j'ai transféré ma recherche d'idéal sur la femme. Là, j'ai beaucoup souffert de vouloir changer ma belle-mère. Vous savez, je vous en ai beaucoup parlé, celle qui est toujours d'égale mauvaise humeur, là. Heureusement, grâce au travail acharné de mon psychanalyste, je suis devenu misogyne comme lui. Je me suis mis à détester les femmes. Et plus je m'éloignais des femmes, plus mon psychanalyste se rapprochait de moi. Dans les dernières séances, là, d'ailleurs, c'est lui qui venait s'allonger à côté de moi, là, sur le divan, il prenait la main, passait sa main dans mes cheveux. Je suis peut-être un peu fou, mais pas stupide. C'est sûr, je suis né en France, ouais, vous allez me dire, ça aide. Hein. Merci, je me souviendrai de vous. En tout cas... J'avais déjà compris tout de suite que la prochaine étape, il voulait faire de moi un homosexuel comme lui. Il n'y avait pas de problème là, vraiment, parce que déjà j'avais transféré toute mon admiration, mon idéal sur lui. Fait que il y avait juste besoin de me rassurer, de me déculpabiliser. Et d'ailleurs, pas de problème, il a commencé tout de suite par m'expliquer que l'homosexualité, c'était l'aboutissement... heureux de l'intégration des énergies, d'une espèce de fusion cosmique de nos polarités yin et yang, le féminin et le masculin, et que finalement il ne fallait pas résister à la pénétration des énergies cosmiques dans notre fondement. Tout ça, là. Ça, c'était lundi dernier, ça, lundi soir. Mardi matin, j'ai décidé de me les faire couper, les cheveux. Alors, j'étais chez mon coiffeur. Puis, c'est quand même mon confident, mon coiffeur. Je le vois pas souvent, mais là, j'ai déballé toute mon affaire. Et je lui ai raconté un peu toutes mes mésaventures dans le domaine de la psychanalyse et tout ça. Il m'a écouté patiemment, pendant qu'il me coupait les cheveux. Il écoutait, il hochait la tête un peu, ouais. Et puis, quand c'était terminé, ben j'ai payé ma consultation. Et il m'a offert une cigarette, et j'ai dit non, merci, je ne fume pas. Et il m'a dit, ça fait combien de temps que tu fumes pas? Bon, je dis, j'ai arrêté, ça fait longtemps, ça fait une bonne vingtaine d'années. Ouais, mais il dit, très exactement, là, ça fait combien de temps? Et je dis, ça fait exactement 24 ans. Puis là, ça a été comme un torrent de lumière dans ma tête, là. Là, je venais de réaliser quelque chose. Il me fixait, on se regardait, là, puis là, je venais de tout comprendre. Tous ces problèmes-là venaient du fait que j'avais arrêté de fumer il y avait 24 ans. Fait que là, faites-moi confiance, je suis délivré aujourd'hui de mon psychanalyste. J'ai une autre drogue, c'est la cigarette, mais je fume une marque qui s'appelle Accor. Le seul problème, c'est quand je vais en demander des cigarettes, que la jeune dame me demande qu'est-ce que vous voulez, je dis des accords. Il y a un petit problème, là, mais ça va s'arranger. La morale de cette histoire, là, c'est que ce que votre psychanalyste ignore, là, Seul votre coiffeur le sait. Et probablement aussi Bernard de Montréal. Tu fais rire le monde, ouais. Il rit de moi. J'ai juste oublié de demander s'il n'y avait pas des psychanalystes dans la salle. J'ai réglé un vieux conflit cette semaine avec mon psychanalyste. Je ne sais pas si vous avez entendu le récit dans les coulisses. J'avais une question, ma première question, c'était de savoir si vous fumez. Ah ben oui. Voilà la confirmation de ce que je viens de vous expliquer. Du coup, il y a plein de monde qui allume des cigarettes dans la salle. Bernard, vous revenez de voyage, je présume. Comme d'habitude. Vous avez vu le monde? Oui, je suis tout plumé. Pris un coup de soleil? Oui, un petit coup de soleil, oui. Puis, mais c'est un voyage d'affaires, c'est pas un voyage de plaisir. Oui, mais quand même, vous voyez le monde. Et quelle est l'impression que vous en retirez à travers vos voyages? Comment est-ce que vous voyez le monde? L'état de salubrité mentale aujourd'hui dans le monde? Il est rendu où, à votre avis? Ça empire tous les jours. Ça empire tous les jours. Désespérons pas. Continuons le combat. Pour moi, le monde est divisé en deux, puis c'est tranché au couteau. J'ai une vision assez spéciale. Il y a le bon monde, puis il y a les garagistes. Ça, c'est du monde que j'affecte pas particulièrement. Toujours des problèmes avec eux autres, parce que je parle six langues, mais je parle pas le garagiste. Puis on se comprend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas facile quand on parle du Québec. Le Québec, c'est une belle province. Hein. Le Canada, c'est un beau pays. Quand je dis beau, je veux dire au niveau des lois, l'ordre, la propreté, tout ça. Et quand on va dans ces pays-là, souvent, ce sont de beaux pays sur le plan de la nature. Mais au niveau politique, au niveau social, au niveau sociétal, c'est très difficile. Mais est-ce qu'on peut concilier les deux? Il semble qu'on peut avoir l'un ou l'autre, mais pas les deux. Les pays les plus beaux pays sur le plan de la nature, sur le plan ce sont les pays qui sont les plus mal organisés. Si on parle des pays à partir du Mexique jusqu'au Brésil, ce sont des pays formidables, ils sont très beaux. Oui, mais il y a comme un paradoxe là. Est-ce que curieusement, on ne retrouve pas chez ces gens-là plus de joie de vivre que chez nous, où on est plus organisé? Pas nécessairement. Chez nous, on est stressé, on a des problèmes, c'est évident, parce que on vit à un autre rythme. Mais dans ces pays-là, il y a beaucoup de pauvreté. Et les gens riches, naturellement, ils font des belles vies, mais les pauvres, le peuple, vit d'une façon très très difficile. Et au Brésil, c'est réellement très grave. Il y a des pays qui sont moins pires, le Costa Rica, mais c'est difficile pour ces peuples-là. On ne peut pas aujourd'hui remplacer la civilisation par... On ne peut pas remplacer la civilisation par... une vie d'Éden. Parce que la vie d'Éden, elle n'existe plus. Non, on est loin de là. N'existe plus. Mm-hmm. Ces peuples-là ont été touchés par la télévision, par la communication. Ils ont vu les blancs, ils ont vu les avions, ils ont vu... Le whisky, les boîtes de conserve. Voilà. Ouais. C'est plus... J'ai été chanceux parce que je suis allé là-bas. Je suis retourné là-bas par affaire. Et j'avais des intentions très, très intéressantes là-bas. Mais... Ça tournait au vinaigre parce que c'est pas aussi facile qu'on voudrait que ce soit. Donc, il a fallu que je me rembarque dans un autre voyage pour finaliser ce que j'avais à faire. On peut pas savoir c'est quoi? Non. Non, au revoir. On peut pas connaître le truc de... Comment il s'appelle? Le truc de comment il s'appelle? Oui. Quel truc? David Copperfield, non? Ah, non. On ne saura jamais. Ces choses-là sont banales. Bon, ok. Alors, on va utiliser des vieux clichés de société, mais qui reflètent peut-être au niveau statistique ce qui se passe aujourd'hui dans notre société nord-américaine, d'après les résultats qui ont été publiés. Je peux vous couper un instant. Ouais, j'aimerais faire une petite parenthèse. Vous savez, on blâme toujours la vie dans la société moderne et tout ça, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et je comprends. La vie n'est pas facile. Mais... moi, je ne suis pas tellement intéressé à la façon dont vit l'homme d'aujourd'hui. Je me préoccupe de la façon dont l'homme de demain vivra, mais l'homme qui aujourd'hui vit dans nos sociétés modernes. Dans ce sens que je sais que moi, je fais une belle vie, je vis bien. Non pas parce que je suis bien né, mais parce que je sais comment vivre. Et l'homme, surtout dans les parties civilisées des nations, s'il sait comment bien vivre, il peut bien vivre. Mais l'homme ne sait pas comment bien vivre. Il ne sait pas comment vivre. Il s'est vendu à la société. Il s'est vendu aux forces sociales. Il a perdu son identité. Il est totalement assujetti au conditionnement social. Si l'homme est intelligent aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, le Canada, par exemple, il pourrait très, très bien vivre. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme qui va venir. Je parle de l'homme qui va avoir compris comment ça fonctionne la vie. Parce qu'il y a des lois, la vie. Vous parlez de garagistes. Bon, il y a des garagistes qui s'occupent de la vie. D'une façon créative, il y a des lois. Et ce sont des lois absolues. Ces lois seront connues de l'homme et l'homme pourra vivre dans nos sociétés modernes, propres, légalistes, et il vivra bien. Mais à une condition, à la condition qu'il ne devienne pas le serviteur de la société. Et pour en arriver à renverser cette condition, ça prend beaucoup d'intelligence créatrice. Parce que le mental de l'homme, le mental de l'ego, qui en soi représente une accumulation d'expériences, représente beaucoup de mémoire, est un mental qui est totalement affaibli, c'est-à-dire qui n'a plus de lumière. C'est un mental qui est assujetti aux forces extériorisantes, que ce soit dans les pays socialistes ou que ce soit dans les pays capitalistes. C'est la même chose. C'est universel. C'est universel. Mais le mental de l'homme nouveau, conscientisé, qui a une identité, qui a passé de la personnalité à la personne, ce mental qui travaille dans une société complexe comme la nôtre, peut tirer d'énormes avantages d'une société qui est déjà extrêmement avancée dans le domaine de l'organisation sociale, dans le domaine de l'organisation sociétale, légaliste, ainsi de suite. Donc, je crois qu'au 21e siècle, des hommes vont commencer à bien vivre. Et même déjà aujourd'hui, lentement, il y a des hommes qui commencent à bien vivre. Mais il y a une loi. Et cette loi, elle réfléchit la présence de l'esprit chez l'homme. Et à partir du moment où l'homme commencera à comprendre cette mécanique nouvelle qui fait partie de l'évolution, l'homme dans les sociétés modernes pourra renverser la vapeur, il pourra éliminer le stress. Il pourra vivre à partir de ce que l'humanité évolutive aura créé. Il pourra voyager dans le monde, se situer dans le monde, se développer des lignes de force créatives qui l'amèneront éventuellement à se constituer ou à se créer ou à s'inventer. Ce que j'appelle souvent une micro-société. Mais c'est difficile de prendre les bons côtés de la société en rejetant les mauvais sans devenir un marginal soi-même. On ne peut pas vivre en autarcie. Non. Il ne s'agit pas pour l'homme d'être marginal. Si l'homme devient marginal, il s'appauvrit. Mm-hmm. Il vit une solitude sociétale. C'est une illusion profonde. C'est une illusion que les hippies des années 60 ont connue. C'est une illusion. L'homme n'a pas à vivre de façon marginale, mais l'homme a à découvrir en lui les lois de sa propre richesse mentale pour pouvoir finalement, avec d'autres hommes qui sont dans la même voie d'évolution, en arriver à reconstruire une façon de vivre, un modus operandi, en utilisant une base sociale qui existe et en lui donnant un nouveau souffle. C'est ça que l'homme a besoin de faire. C'est ce que vous appelez la micro-société, mais quelles sont les lois de sélection ou d'affinité qu'est-ce qui fait que qui rencontre qui là-dedans et où ça commence, un projet de ce genre-là? Il y a des gens qui se regroupent aujourd'hui dans le Québec pour produire une alimentation naturelle, bon. Des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple. Bon, nous avons une table ici, il y a 8 personnes. Présumons que cette table, ces gens-là travaillent tous et que ce sont des êtres conscients. Vous savez qu'un être conscient facilement reconnaît un être conscient. Il y a une télépathie qui s'établit. Bon. Donc, automatiquement, les mécanismes de défense de l'ego, qui constituent les barrières psychologiques de l'ego dans une société, ne l'existent plus. Donc, ce bonhomme, lui, il travaille, tout le monde travaille. Lui, il a une bonne job, lui, il a une job pire, l'autre, une très bonne job, lui, l'autre est très riche, l'autre, connaît beaucoup de personnes. Donc, chacun de ces personnages possède quelque chose, a quelque chose à offrir à la conscience humaine créative. Donc, lui rencontre lui, il lui dit, bon, mais écoute, moi j'ai un business, je n'ai pas d'argent, mais j'ai les techniques de la business. Peut-être qu'on se met ensemble 50-50 et on fait quelque chose. Comme il n'y a pas de défense psychologique, comme les deux êtres sont dans leur personnalité, dans leur personne, ils se lient ensemble d'une façon totalement créative et ils forment quelque chose. Alors que eux, individuellement, seraient incapables de le faire. Le modèle, c'est une façon de parler, le modèle de la micro-société est extrêmement près, dans un sens extrêmement général, du modèle que certains groupes ethniques ont vécu pendant des siècles, les Juifs par exemple. Vous connaissez-vous des Juifs pauvres? Je les fréquente, en tout cas je fréquente pas assez la synagogue pour ça. Mais... Bon, en tout cas. C'est une façon de parler. Oui. Les Juifs, le peuple juif, malgré tous ces... Non, il y a une entraide. Tout, malgré ces mauvais côtés, vraiment. Mm-hmm. Éliminons le côté polarisé de la conscience juive. Regardons seulement l'esprit juif. Ce sont des êtres dans le monde. Je parle seulement du peuple juif. Je ne veux pas faire de remarques, d'établir de valeurs sociales par rapport à eux. Je regarde seulement le peuple. Et vous avez des individus de par le monde qui se reconnaissent. Un juif, ça se reconnaît. Ils ont les nez, ils ont tout. Bon. Alors, ils se reconnaissent. Et il y a une entraide puissante entre ces hommes et ces femmes, ces familles, cette nation. C'est ce qui leur a donné leur prominence dans le monde. Donc, l'homme conscient de demain, l'homme nouveau, l'homme qui aura dépassé le stage de la personnalité et qui sera entré dans le développement de la personne, il sera une sorte de juif. C'est-à-dire que ce sera un être qui, avec d'autres êtres, possédant une vibration parallèle, pourra facilement trouver des affinités pour mettre en action leur énergie créative individuelle. Donc, l'homme nouveau détruira à l'intérieur de sa micro-société ce que j'appelle la pauvreté. Parce que la pauvreté, pour moi, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Il y a des conditions sociales, il y a des conditions karmiques pour la pauvreté. Mais l'homme a suffisamment de puissance créative dans le mental pour l'assassiner, la pauvreté. Et tant que la pauvreté ne sera pas éliminée de la conscience de l'homme, l'homme vivra une vie qui sera une forme de survie. Et l'homme ne peut pas être créatif à l'intérieur de la pauvreté. Il ne peut pas être créatif totalement à l'intérieur de la survie. Il doit la fracasser. Et ça demandera une très grande puissance mentale pour l'homme de fracasser la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est la façon dont se servent les forces occultes de la vie planétaire pour empêcher que l'homme explore les différentes dimensions de son psychisme. C'est à travers la pauvreté que les forces occultes subconscientes de l'humanité maintiennent l'humanité sous leur joug. La pauvreté, c'est une domination. Et aucune religion, aucune philosophie, aucune sorte de mysticisme, aucun gouvernement n'a le droit d'imposer ou de donner à l'homme l'impression que la pauvreté a une fonction qui, à court ou à long terme, valorise l'individu. C'est un mensonge. Oui, mais pourtant, c'est un mensonge. Il semble que les riches n'ont pas plus de chance d'aller au paradis. Non. Vous savez l'affaire du... Oui, oui, je comprends. Je sais, chameau. Oui, oui, je sais. Essayez de me comprendre en dehors de la polarité du bien et du mal, la pauvreté et la richesse. Mais sur le modèle que vous exposez, le modèle qui existe, celui des Juifs, il y a un ciment qui est le lien commun entre ces gens-là, c'est la religion. Dans le modèle de l'homme nouveau, il n'y a pas ce ciment-là religieux. Ça facilite évidemment, pas les choses. Je donne un modèle inférieur pour expliquer un éventuel modèle supérieur. Autrement dit, je dis, ce que je veux dire, c'est que l'homme conscient demain, de par la nature de son mental, de par sa capacité de comprendre le phénomène de la vie d'une façon parfaite, totalement en dehors de la doctrine philosophique, religieuse ou occulte de l'évolution, l'homme comprendra tellement les lois de la vie qu'il sera capable à ce moment-là de briser le joug de la pauvreté sur la terre, autrement dit à l'intérieur de son milieu humain. Et ceci fera partie de l'exercice à l'intérieur de sa conscience des lois créatives de l'énergie mentale. Il n'aura pas de choix. Mais vous savez que l'homme a toujours fonctionné par référence à un système de valeurs, tout le temps. Oui. L'homme a toujours fonctionné par référence à un système de valeurs parce que l'homme n'a jamais été capable au cours de l'évolution de se créer une vie. Donc, les forces autour de lui, les forces historiques, les forces de l'humanité lui ont imposé un modèle d'évolution qui servait à maintenir sur la terre le pouvoir exécutif de ses forces, alors que l'homme, lui, était forcé de s'assujettir à ces conditions parce que le mental n'était pas suffisamment développé. L'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, à partir du moment où il a commencé à entrer dans la science, à partir du moment où il a commencé à objectiver son regard, et à partir du temps où il sera capable non seulement d'objectiver son regard par rapport à la matière, mais aussi objectiver son regard par rapport à l'invisible, l'homme deviendra totalement indépendant des valeurs qu'on peut lui imposer de l'extérieur. Donc, à ce moment-là, il sera et il deviendra totalement créatif. Dans la conscience supramentale de l'avenir, il n'y aura pas de valeur subjective, il n'y aura pas de valeur objective, il y aura simplement de l'énergie créative. Une valeur, c'est une façon à une humanité de vivre pour le bien ou pour le mal, ou par rapport au bien ou par rapport au mal, en fonction d'une domination ou d'un pouvoir qui s'exerce sur elle. Alors que chez l'homme conscient, ceci ne peut pas exister parce que l'homme conscient ne vit pas psychologiquement sa conscience, il vit psychiquement sa conscience. Mais s'il n'y a pas de système de référence du bien et du mal, qu'est-ce qui nous garantit son honnêteté? Le système de bien et de mal est un système relatif qui fait partie de la concupiscence des races, qui fait partie de la concupiscence du pouvoir, qui fait partie de la dialectique du mental humain, assujetti à un référendaire de puissance qui conduit l'humanité dans une certaine direction. La polarité du bien et du mal, c'est le début chez l'être humain de la domination du pouvoir. L'homme, dans une conscience universelle, n'a pas besoin de vivre par rapport à une polarité de bien et de mal, puisqu'il fait la synthèse. L'homme vit par rapport au bien et au mal parce qu'il n'a pas d'identité. Ce qui est bien pour un est mal pour l'autre, ce qui est mal pour un est bien pour l'autre. C'est le conflit des religions, c'est le conflit des nations. Mais est-ce que le mal provient effectivement de l'identité de l'homme ou est-ce qu'il ne lui est pas imposé de l'extérieur? Le mal est le produit de l'ignorance de l'homme. Donc, automatiquement, parce que l'homme n'a pas d'intelligence universelle ou créative, il est obligé de s'affilier soit à une sorte de mal ou à une sorte de bien afin de remplir son rôle de personnalité. Le type qui est dans la mafia, il va faire un mal pour le type qui ne l'est pas, mais à l'intérieur de la mafia, c'est un bien. C'est une sorte de bien. Vous voyez les gens qui vivent ou qui font partie de la mafia, et ces gens-là se signent, ils vont à l'église tous les dimanches, ils ont des familles, ce sont des hommes qui ont de bonnes intentions. Donc, le mal et le bien est totalement relatif à la conscience subjective des individus, donc il est totalement assujetti à la fonction, à la domination et à la permanence du pouvoir. À ce moment-là, le modèle que vous proposez, c'est un modèle qui est idéalisé dans le futur, mais dans la transition entre le présent et ce futur-là, mettons le 21e ou 22e siècle, ça ne va pas aller sans heurts, ça, parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, d'abandonner les valeurs... Ce n'est pas un modèle que je propose, il n'y a pas de modèle au niveau d'une conscience créative. Je parle de modèle pour simplement expliquer référentiellement le modèle ou l'expérience juive ou l'expérience d'autres groupes. Mais il n'y a pas de modèle sur le plan de la conscience créative, parce que la conscience créative est une force qui contient en elle-même son propre secret. Donc, c'est absolument impossible pour une humanité ou pour un groupe ou une micro-société de parfaitement comprendre les modalités créatives instantanées de la fusion qui résulte dans l'annexation de l'esprit avec l'ego. Un homme qui est dans une conscience de fusion peut parler de l'avenir, mais il ne peut pas vivre l'avenir. Il peut le parler, il peut le voir, il peut le prophétiser, il peut s'amener à le manifester dans un certain temps. Ça fait partie de la conscience du temps. Mais il n'y a pas de modèle, il n'y aura jamais de modèle dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Mais il y aura une manifestation créative instantanée qui, elle-même, dans sa perfection, créera un modèle éventuel pour l'évolution d'une nouvelle conscience humaine sur la Terre. Autrement dit, si nous parlons de modèle, nous parlons de projection. Si nous parlons de projection, nous parlons de projection psychologique. Si nous parlons de projection psychologique, nous parlons de l'ego qui regarde et qui se fourre le nez dans un avenir qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas connaître, parce que même dans le présent, il est absolument ignorant. Oui. Donc, pour que l'homme regarde dans l'avenir, il faut qu'il soit totalement conscient des lois de l'énergie. À ce moment-là, il peut regarder dans l'avenir, mais il ne peut pas comprendre l'avenir dans l'esprit de cet avenir. Il peut comprendre l'avenir dans la formulation psychique de cet avenir à partir de la connexion qu'il a intérieurement. Moi, dans mon expérience depuis des années, d'ailleurs, on est rendu, quelle année là, 88, maintenant, au mois de novembre 88, à partir de 1969, toutes les choses que j'ai vues, que j'ai dites ou que j'ai parlé, je les finalise maintenant. Donc, j'ai parlé de l'avenir de 69 à 88 pendant des années à des individus, mais je n'ai pas vécu cet avenir. Maintenant, je le vis. Autrement dit, l'esprit est toujours avant l'homme. Oui. Justement, ce point-là est intéressant. Ça veut dire que cet homme nouveau, il avance sans avoir de terrain sous ses pieds. Il n'y a pas de terrain sous ses pieds, il faut que le terrain apparaisse au moment où il met son pied dans le vide, quasiment. Très juste. Très juste. C'est ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de modèle. L'homme nouveau, quand il avance, il n'y a pas de terrain sous son pied, et aussitôt qu'il met le pied, quelque part, le terrain apparaît. Et c'est ça qui fait la différence entre la conscience expérimentale de l'évolution et la conscience créative de l'évolution, et c'est pourquoi les hommes qui vivront cette conscience, réaliseront que dans la mesure où la conscience créative s'actualise, le terrain apparaît. Elle s'actualise, le terrain apparaît. Et ceci amènera et forcera les hommes à prendre une conscience totale de leur esprit et cesser finalement de vivre leur conscience psychologique sur le plan égoïque, égocentrique de l'évolution. Mm-hmm. Donc nous aurons une conscience psychique, nous aurons des hommes qui auront une capacité créative et qui auront la capacité intégrale de travailler avec l'énergie de leurs principes. Ce sera une nouvelle loi d'évolution. Ce sera une nouvelle façon de vivre. Et l'homme découvrira au fur et à mesure où il avancera comment la vie doit être vécue. En attendant, si on analyse ou si on regarde le moindrement le monde, on a l'impression que les gens ont de plus en plus une roche à la place du cœur, une roche à la place du plexus solaire, là. Ça vibre dans le mental, mais il y a aussi de plus en plus d'indifférence dans le monde. Ça, tout le monde le constate. Il y a de plus en plus d'indifférence. On est même indifférence à la violence qui nous est exposée tous les soirs, à la télévision, dans les journaux, etc. Et ça semble pas augurer en faveur d'un homme très joyeux dans le sens de vital. Oui, mais l'indifférence que l'homme vit aujourd'hui, elle est normale, elle est la conséquence du mensonge. Donc, les sociétés humaines, à travers leurs idéologies, à travers leur religion, leur philosophie, autrement dit, la connaissance humaine de l'involution n'a pas délivré.